c'est Oscar, oui, c'est Oscar, oui, c'est Oscar. Une brève pleine d'espoir, d'une éprise et de son lascar. D'une attitude naïve et foudroyante de tendresse, de tendresse, de tendresse. D'une solitude à mille égards tournée vers la caresse, vers la caresse, vers la caresse, vers la caresse. Oscar avait 2 ans moins que sa puce. Il comptait pourtant 2 ou 3 dents, 2 ou 3 dents, 2 ou 3 dents de plus. À leurs âges respectifs, ils ne parlaient jamais de sexe. Bien qu'une fois, j'ai ouï dire qu'ils y étaient presque. Louise a vu le jour à proximité de Paris. Avant que ses parents finissent par dire « Allez, on part d'ici ». Ils sont venus habiter dans le village d'à côté. Et c'est là qu'Oscar, né lui ici, a su le charmer. Un air de gavroche et des cailloux plein les poches. Une promenade près d'un lac et ses pierres ricochent, ricochent, ricochent. Le plaisir simple des curiosités de la nature. Oscar avait le goût de l'aventure, Louise, elle, c'était plutôt la peinture. Un jour, Oscar par Pauline s'est fait draguer. Louise l'a pris et impossible pour elle de laisser passer. Elle explora assez toutes les nuances de rouge à sa portée. Et jusqu'ici, Pauline, pas. On l'a jamais retrouvée, on l'a jamais retrouvée. C'est ainsi que nos deux protagonistes furent appelés, et ce chaque jour les pugilistes, ceux qui s'aiment mais qu'on n'approche pas. La rumeur se leva, dans leur jardin y'a des trous ou pas. Le bruit courut jusqu'à milieu de là, comme un virus, comme un rat. Celui que l'on ne contrôle pas, celui que l'on ne contrôle pas, celui que l'on ne soigne pas, celui que l'on ne soigne pas. Puis il y eut ce drôle de réflexe, un peu comme toi lorsque tu comprends ce texte. Les gens se sont intéressés à la fable, contexte, certains se montrant infâmes et quelques-uns heureusement perplexes. Des visites par milliers, un bon nombre d'écrits aussi. Oscar et Louise ont pris la vie. Serait-ce trop demandé qu'il soit puni, mon précieux? Louise savourait le tranchant des mots. Oscar, lui, adorait libérer son fourreau. Je suis le manche et toi la lame d'un même couteau. Coupons en tranches pour que ton âme trouve le repos. Je passe ta rage, tu consoles mes extrêmes. Je surinerai tous ces cons, ces salauds. Et même s'il le faut, je leur arracherai violemment la peau. Car je t'aime et je me dois de châtier ces bourreaux. On nous dit fou, on nous insulte. Et toutes ces années à devoir rappeler que le voile devant leurs yeux avant de caner. C'est le plastique dans lequel ils vont se faire becter. Et il fallait bien qu'un jour cela se termine. Car la mort touche aussi la vermine. Non, je ne parle pas d'eux et de leur amour sublime. Mais bien des nombreuses personnes qui poussaient. Qui poussaient. Qui poussaient. Au crime, au crime, au crime. Louise et Oscar sont passés à trépas, mais la rumeur, elle, resta. Encore aujourd'hui, j'entends dire ici et là qu'il y eut un couple que rien n'arrêta. Que Louise, ma mère, et Oscar, mon papa, étaient les pires jardiniers que la terre porta.